Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la musique fantastique d'Hector Berlioz. Il y a un avant et un après Berlioz dans l'histoire de la musique. Ça, c'est très net, notamment par l'utilisation des instruments de l'orchestre, par son traité d'instrumentation où il donne comme un nuancier, vous savez, pour un peintre, toutes les possibilités sonores. C'est quelqu'un qui va penser le son. C'est une idée, ça aussi, très moderne. Hein, regardez la période classique, on peut jouer un même thème d'un instrument à un autre. Finalement, ça reste la même musique. À partir de Berlioz, c'est plus possible. Hein. On ne remplace pas un hautbois par autre chose. Le timbre fait partie, c'est une composante extrêmement forte de sa musique. Il casse le modèle du concerto, ça ressemble à rien d'autre. Le biographe de Berlioz, Bruno Messina, qui est aussi directeur du Festival Berlioz et du Musée Berlioz, dans une vidéo produite à l'occasion du 150e anniversaire du décès du célèbre compositeur en 2019. Mal aimé en France, Berlioz reste pourtant l'un des compositeurs les plus influents de son temps en Europe. Avec sa fameuse symphonie fantastique, il réinvente en quelque sorte la musique symphonique. Pour nous parler de Berlioz, je reçois Sylvia Lécuyer, qui est l'animatrice de l'émission Place à l'Opéra, diffusée à UC Musique, qui a aussi présenté une série documentaire sur Berlioz à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 2003. Sylvia Lécuyer dans nos studios de Vancouver. Sylvia, bonjour. Bonjour, Jacques. Merci d'abord, Sylvia, d'avoir accepté de participer à cette série d'émissions spéciales d'Aujourd'hui l'Histoire où des collègues de Radio-Canada viennent nous parler de sujets qui les passionnent. On va revenir tout de suite, si vous le voulez, à cet extrait qu'on entendait quand Bruno Messina nous disait qu'il y avait pour lui, en tout cas, un avant et un après Berlioz. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, de quelle manière Berlioz a-t-il été aussi important pour qu'on puisse parfois dire qu'il y a un avant et un après Berlioz? Oui, c'est vrai qu'il a réinventé l'orchestre de la façon dont Bruno Messina vient de le décrire, mais c'est aussi un compositeur qui s'est mis en musique, si j'ose dire. Il s'est vraiment investi profondément dans ce qu'il écrivait. Il écrivait sa musique non pas à partir de formules qu'il avait apprises en prenant des leçons d'écriture, mais plutôt à partir de ses émotions. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très nouveau. Il faut se replacer à l'époque, quand on va en parler tout à l'heure, peut-être la Symphonie fantastique, pour se rendre compte qu'on est à Paris en 1830, à une époque où le public n'a même pas entendu les dernières symphonies de Beethoven. Oui. On est vraiment encore à une époque classique. Et ce qu'on entend, les gens n'y comprennent rien. D'ailleurs, un autre biographe de Berlioz en anglais, celui-là que j'ai beaucoup lu, David Cairns, raconte que quand sa sœur a rapporté un disque de la Symphonie fantastique à la maison, je pense que c'était dans les années 1950, il a écouté ça, tout musicien qu'il était, et il a dit « mais j'ai rien compris ». Donc, très, très en avant de son temps. Absolument très en avant de son temps. Et en fait, de temps en temps, ça aide de ne pas être moulé dans une école. Oui, c'est plus difficile de faire sa place, c'est plus difficile d'avoir des orchestres qui acceptent de nous jouer, c'est plus difficile d'être reconnu par ses pairs. Mais on arrive là avec une fraîcheur d'imagination, avec des oreilles grandes ouvertes et aussi un appétit. Parce que si Berlioz a finalement choisi sa carrière en musique, c'est qu'il en rêvait depuis pratiquement le jour de sa naissance et c'était une envie qui avait été réprimée. Une envie réprimée, ça explose. C'est fort, effectivement. Est-ce que c'est parce qu'il est si et tellement devant son temps, en avant de son temps, qu'il sera mal aimé dans son pays, la France? Comment vous expliquez ça? Parce que je pense qu'on peut dire qu'il a été mal aimé, qu'il l'est peut-être même encore aujourd'hui, mal aimé, méconnu, Berlioz. Mal aimé, oui, mais il a un petit peu bâti sa légende. Il faut dire que Berlioz, il était aussi écrivain. D'ailleurs, à l'époque où il a commencé à composer, les gens disaient « mais on ne peut pas être si bon écrivain que si bon compositeur » parce qu'il avait une plume extraordinaire, particulièrement virulente quand il faisait des critiques. Et ça ne l'a pas aidé non plus, bien entendu. Et il s'est beaucoup lamenté dans ses critiques et dans ses mémoires d'avoir été incompris, d'avoir été mal compris. Il a créé sa légende de musicien incompris en France. Par contre, ceux qui ne lisaient pas ses textes en France le recevaient peut-être un peu mieux. Aussi, il s'intéressait, par exemple, à faire toutes sortes d'expériences musicales, d'avoir des grands festivals. Oui. Festivals dans le sens qui voulait dire des masses énormes de musique. On ne faisait pas ça beaucoup en France, on l'avait fait un peu à l'époque révolutionnaire, alors que dans d'autres pays comme en Allemagne et en Angleterre, on le faisait beaucoup. Et c'est pour ça que sa musique a d'abord été plus appréciée par l'Angleterre et l'Allemagne. D'ailleurs, en 1847, il a même été invité à être le chef d'orchestre de Drury Lane. Donc, on ne lui aurait jamais offert un poste comme ça en France. Et donc, quelqu'un qui aime l'innovation dans la musique qu'il écrit, vous parlez des festivals, effectivement, à l'époque, en France, on connaît les journalistes, en préparant l'émission, je disais que les journalistes se moquent de lui, voyons, quelques jours de la musique pendant quelques jours, ça n'a aucun sens. Et des expérimentations aussi, il va être là-dedans tout le temps, expérimentations sonores, placer le public entre, je ne sais pas moi, un orgue et un orchestre, il est beaucoup là-dedans. Absolument. Quand on donne le Requiem, par exemple, et on se retrouve avec le public au milieu, les fanfares de cuivre aux quatre coins de l'édifice, c'était à l'église des Invalides quand ça a été donné bon, la première fois, un orgue devant, un chœur immense qui est souvent trop grand pour être placé au même endroit, qui est réparti dans la salle. D'ailleurs, on a fait récemment de merveilleux enregistrements et diffusions de cette musique-là avec les moyens qu'on a maintenant. Mais à l'époque, on se demande comment ils pouvaient y arriver. D'ailleurs, ils se fichaient un petit peu des possibilités de l'orchestre. Il disait, moi, c'est ça que je veux 1000 choristes et c'est tout. Incroyable. Vous disiez, cet amour, il l'a très jeune, l'amour pour la musique, mais il sera longtemps réprimé. Donc, quand il peut enfin éclater, il éclate avec force et c'est à Paris que tout commence pour lui. Donc, c'est comme jeune étudiant en médecine à Paris que Berlioz va vraiment pouvoir assouvir, Sylvia Lécuyer, sa passion de la musique. Et ce qu'on vient d'entendre, cette musique de l'opéra de Salieri, Les Danaïdes, ça va faire partie d'une des pièces qui vraiment vont agir un peu comme un coup de tonnerre pour lui. Oui, tout à fait. Vous avez entendu ces grands gestes dramatiques et ces silences. Ça, c'est déjà presque du Berlioz. Je vous dis que quand il était à la maison, à la Côte-Saint-André, chez son papa, le père de Berlioz aimait beaucoup la musique, jouait de la flûte, avait toutes sortes de partitions chez lui. Et Berlioz avait lu, au point de les apprendre par cœur, des biographies de Haydn, de Gluck et des musiciens. Il avait aussi réussi à déchiffrer avec sa guitare, le seul instrument qu'il ait jamais maîtrisé, des partitions comme celle de l'Orphée de Gluck. Donc, il avait cet appétit, mais il n'avait jamais mis les pieds dans une salle de concert jusqu'au moment où on a entendu la musique qu'on vient d'entendre. Et là, évidemment, c'est absolument la révélation totale. Pourquoi la médecine, en passant? Ben, son père était médecin. Son père avait dû se plier à son propre père et accepter d'être médecin plutôt que de faire de la musique. Alors, oui. Hector n'avait pas le choix, il devait faire la même chose. Mais il n'allait pas très souvent dans les laboratoires et les salles de cours, mais il passait absolument tout son temps dans les théâtres. Cette pièce qu'on vient d'entendre, Sarah la baigneuse, c'est une composition de Berlioz sur un texte de Victor Hugo. Et ça nous permet, Sylvia Lécuyer, de parler du grand romantique qu'a été Berlioz. Théophile Gautier, l'auteur, disait d'ailleurs qu'il faisait partie de ce qu'il appelait la trinité romantique française à laquelle appartenait Berlioz, Victor Hugo et Eugène Delacroix. Vous disiez, il écrivait aussi Berlioz. Donc ça, c'est un pas de sa vie, ce mouvement romantique et ce grand romantisme qui va l'habiter. Oui, d'ailleurs, c'était aussi un groupement social. Berlioz et Victor Hugo, ils se voyaient, ils se fréquentaient. Et quand Berlioz est parti pour l'Italie, après avoir gagné son fameux prix de Rome qui lui a donné tant de mal, il était là-bas quand Victor Hugo a publié Notre-Dame de Paris. Il a écrit tout de suite à Paris pour qu'on lui envoie immédiatement ce nouveau livre. Il brûlait de le lire. Quant à Delacroix, qui lui voyageait, qui est allé dans le nord de l'Afrique, et qui lui aussi ne respectait pas les règles, peignait des tigres de toutes les couleurs, a vraiment donc défoncé la toile, a vraiment créé de nouvelles choses. La dimension des œuvres de Victor Hugo, par exemple, la portée poétique de ses poèmes était vraiment quelque chose d'absolument unique, qui reflétait peut-être un petit peu, encore une fois, ce qu'on avait vu en Angleterre, avec les grands poètes romantiques anglais. Parce que tout ça, on en reparlera, déteint de ce qui venait de l'Angleterre. En fait, c'est l'époque, là. Tout le monde, la France de l'époque, se passionne pour l'Angleterre. Absolument, complètement. Et c'est ce romantisme, en fait, le mouvement romantique du milieu du 19e siècle est parti d'une part au Sturm und Drang du côté allemand, mais aussi d'autre part du côté anglais, avec justement Byron, avec tous ses grands, grands poèmes. Quand il était parti encore pour l'Italie, il avait dans ses poches Byron, il avait des traductions de Shakespeare, il avait Childe Harold, donc il était complètement imprégné de cet imaginaire brumeux, si on veut, de ces passions dévorantes. Mmh. Et passion, c'est justement le titre d'un des mouvements de la symphonie fantastique. Oui. Qu'on écoute d'ailleurs un extrait qui reste, bien sûr, sa grande œuvre. Extrait de la symphonie fantastique. Est-ce qu'on entend Sylvia Lécuyer? C'est très, très évocateur de cet esprit d'innovation que vous parliez quand vous parliez de la musique de Berlioz. Oui, vous avez entendu ces sonorités d'abord absolument extraordinaires, ces rythmes très hachurés, très coupés et ce côté ironique. Mm-hmm. Parce que le thème qu'on a entendu, qui est comme un peu caricaturé, si on veut, à la clarinette aiguë, c'était au premier mouvement un thème très lyrique de thème de la bien-aimée, qui là est devenu absolument féroce et sarcastique parce que entre-temps, je vous disais que Berlioz ajoute sa vie dans son histoire. Il a voulu illustrer les rumeurs qui disaient que sa bien-aimée Harriet Smithson était une bonne arienne. Et là, il l'amène au supplice dans ce quatrième mouvement. Donc, il joue de ça avec les instruments qui sont maintenant à sa portée. Ouais. Parce qu'une autre des raisons aussi de ce avant et après Berlioz, c'est qu'il a un nouvel orchestre à sa disposition avec des sonorités qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et ça, il en use, il amène de nouveaux instruments. Il réinvente vraiment la musique pour orchestre et la musique symphonique. Absolument, complètement. On n'a pas ici une symphonie qui est dans les trois ou peut-être quatre mouvements traditionnels. On a un livret qui a été distribué dans la salle pour la première. Et on a aussi, il faut le voir, il faut le savoir, le soir de la première à Paris, tout le Paris musical était là. On était curieux, on mourait de jalousie pour voir ce qu'il allait faire. Parce qu'entre-temps, la rumeur de sa passion dévorante pour Harriet Smithson avait été répandue dans les milieux artistiques. Elle était là dans la salle elle-même. Elle s'est entendue peindre en musique et tout le monde avait les yeux sur elle. Donc, on peut difficilement imaginer un événement comme ça aujourd'hui, mais je trouve ça que j'aurais voulu être dans la salle. Ouais. Et puis, Harriet Smithson, il faut le dire, c'est elle, au fond, à qui on doit... Enfin, entre guillemets, cette œuvre colossale, la symphonie fantastique. Mais racontez-nous ça, parce que vous disiez, ces romantiques de la fin du 19e siècle, ils sont passionnés par cette culture anglaise, les grands auteurs anglais. Et au fond, quand on regarde la petite histoire de la symphonie fantastique, évidemment, il y a cette femme, cette comédienne, Harriet Smithson, qui est à l'origine de l'écriture de cette pièce-là. Mais il y a aussi, donc, encore une fois, cet amour de l'Angleterre, de Shakespeare, qui va donner naissance à la symphonie fantastique. Racontez-nous comment ça va prendre forme, tout ça, Sylvia Lécuyer. Il y aurait beaucoup à dire, mais en fait, on commencera par expliquer que cette troupe anglaise de M. Kemble est venue donner du Shakespeare à Paris en anglais, mais les traductions françaises des pièces de Shakespeare avaient commencé à circuler. Déjà, donc Berlioz pouvait les lire et comprenait ce qui se passait. Quand il a vu, c'était en septembre 1826, je crois, Hamlet, où Madame Smithson jouait le rôle d'Ophélie. Il est tombé amoureux d'Ophélie, en fait, oui. d'Ophélie et de Shakespeare, et il est devenu complètement obsédé par Harriet Smithson. Ça n'a pas du tout fonctionné, elle ne voulait rien savoir de lui. Elle était irlandaise, elle était protestante, tout était complètement à côté de ce qu'il pouvait s'attendre. Et pendant, comme elle l'a repoussé pendant 5 ans, il a eu d'autres histoires. Il est tombé à ce moment-là amoureux de Camille Mocque, qui est devenue Camille Piel, qui l'a repoussé. En fait, sa vie sentimentale a été très compliquée. Mais Harriet est restée au cœur de tout ça. Donc, je vous disais, elle était là le soir de la première. Donc, elle a comme incarné pour lui ce Shakespeare imaginaire, cette Ophélie. Tous les personnages de Shakespeare se retrouvent dans ses écrits. Il appelait Camille Pleyel son Ariel. Il appelle son ami Horatio, par exemple, dans Les lieux où le retour à la vie. Donc, les personnages des pièces de Shakespeare font partie du vocabulaire musical et littéraire de Berlioz. Mm-hmm. Donc, c'était particulièrement important. Bon, il va finir par l'épouser, Harriet Smithson. Ce ne sera pas du tout un bon mariage. Elle a eu des terribles problèmes de santé. Elle n'avait plus de carrière. Elle est devenue alcoolique. Ça a été absolument épouvantable. Il a continué sa vie sentimentale avec d'autres femmes. Je pourrais vous en parler longtemps si ça vous intéresse. Oui. Ben, en fait, ce qui est intéressant, au-delà de l'anecdote, c'est que autant Harriet Smithson va le conduire, pour la séduire, il va écrire cette pièce monumentale, la Symphonie fantastique, autant, puis on parlait du fait qu'il appartient à ce cercle, à ce mouvement des romantiques, mais dans le langage plus commun, disons, on peut aussi dire que c'est un romantique. Les femmes vont être un moteur dans son œuvre, mais tout du long de sa vie. Absolument, et surtout parce qu'il les associe toujours à quelque chose de littéraire. Par exemple, dans son petit village de la Côte-Saint-André, il y avait Estelle, une de ses voisines, une jeune femme charmante, et pour lui, c'était Estelle et Némorin, comme dans les poésies classiques. Donc, il est resté en liaison épistolaire avec elle toute sa vie. Il l'a même revue à la toute fin de sa vie, quand elle était déjà une femme très avancée en âge. Quand il parlait de Marie Pleyel, enfin, qui est devenue Marie Pleyel, Camille, il l'appelait, je le disais, son Ariel. Il a eu pendant un certain temps une liaison avec une chanteuse qui s'appelait Marie Recio. Tous les amis de Berlioz la détestaient. Elle était impérieuse. Elle était autoritaire, elle n'était pas une très bonne chanteuse non plus, mais il avait commencé à cette époque à faire des voyages en Russie, en Italie, en Autriche, et il voulait avoir de la compagnie, et Marie était tout à fait ravie de voyager avec lui, donc il avait besoin de compagnie. C'était un homme qui avait besoin de chair autour de lui, qui ouais. avait besoin d'être entouré, il avait besoin de cette chaleur, c'était très important pour lui. Donc ça fait aussi partie de son personnage romantique. Cette histoire avec Estelle Dubeuf, écoutez, c'est le comble du romantisme, parce que j'oublie exactement les chiffres, mais il a quelque chose comme... c'est un gamin, il a 12 ans, il a ouais. 17, 18 ans, il est amoureux d'elle, évidemment. Pour elle, il est hors de question de s'intéresser à ce genou. Mais comme vous le disiez, toute sa vie, il va nourrir cet amour, mais au fond, cette espèce de vision qu'il a de l'amour qu'il a pour elle, puis il va le relancer en lui écrivant une lettre passionnée alors que c'est une vieille dame. C'est incroyable quand même. Exactement, ouais. Exactement. Je dois dire que j'ai été séduite par la musique de Berlioz dès que je l'ai entendue, mais j'ai aussi été séduite par le personnage. Ouais. Ce personnage de rebelle, ce personnage qui ose se mettre dans son œuvre, se placer dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut admirer parce que ça le rend très vulnérable. Ouais. Et le fait en plus qu'il écrivait des critiques féroces contre ses collègues, il était doublement vulnérable. Et parce qu'il avait un talent, il faut dire, naturel, extraordinaire, des oreilles incroyables. Quand ouais. on peut écrire une symphonie comme ça en n'ayant qu'une feuille de papier et une plume, c'est quand même fantastique. Ouais. Et puis évidemment, c'était un incontournable à l'époque. Si on veut vraiment devenir un compositeur qui compte, il faut passer par l'opéra. Thank you. C'est Marie-Nicole Lemieux qu'on entend chanter dans cette version de l'opéra Les Troyens. Très magnifique, ce qu'on vient d'entendre. Que dire de Berlioz, le compositeur d'opéra, Sylvia Lécuyer? Bon, pour ce qui est des Troyens, il était destiné à écrire cet opéra. Il s'appelait Hector, après tout, et c'est l'histoire de Troie. Donc, c'était quelque chose qu'il a habité toute sa vie. Ça a été très dur de se faire présenter à l'opéra. Oui. Le premier opéra qu'il a réussi à faire mettre en scène, Benvenuto Cellini, sur l'histoire de l'orfèvre florentin. Il s'était identifié absolument au personnage de Cellini, qui lui aussi a été mal compris de ses contemporains, donc c'était pour lui, il était Benvenuto. Et ça a été présenté en 1839, un rôle extrêmement difficile pour le chanteur principal qui a dû abandonner après 5 représentations, la voix était plus capable de suivre. Mais ça a été un échec épouvantable qui a absolument pétrifié Berlioz. Mmh. On a appelé l'opéra Malvenuto, c'est fini. Alors, ça vous donne une idée. Mmh. Et puis, il a continué quand même, il a persisté, et il a fini par écrire ses Troyens, mais qui n'ont été présentés en entier qu'après sa mort. Il a fini de composer l'opéra en 1859. Il y a une partie qui était présentée en 62-63, mais seulement la première partie, et pour l'ensemble, ça a été fait seulement après sa mort. Ses autres opéras ont été reconnus ailleurs avant d'être faits en France. Par exemple, Béatrice et Bénédicte, ce charmant petit opéra inspiré de Shakespeare, a été créé à Baden-Baden. Les casinos, à l'époque, étaient des endroits très, très intéressants pour les présentations de nouveautés du côté du concert et de l'opéra. Oui. La Damnation de Faust, bon, c'était pas vraiment non plus un opéra, plus un oratorio. En plus, il persistait à écrire des choses qui étaient hors de format. Des opéras qui durent plus de 4 heures, c'est le cas des Troyens, ça se présente pas facilement. La Damnation de Faust, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un opéra, c'est pas vraiment un oratorio. Roméo et Juliette, c'est une symphonie dramatique avec des bouts chantés, avec des chœurs. Qui va mettre ça au programme quand il faut avoir un chœur? Simplement pour avoir quelques petites interventions au début et à la fin. Oui. C'est pas pratique. Il n'était pas pratique. Non, pratique, c'était pas dans son vocabulaire. Sylvia Lécuyer, c'était un bonheur de vous recevoir, animatrice de l'émission Place à l'Opéra, diffusée à Ici Musique. Merci infiniment, Sylvia. Un grand plaisir, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Ariane Cipriani, recherche d'archives Fanny Leblanc et Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.